Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi, ce 19 avril 2025 et vous vous préparez à écouter sur les 106,6 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campuslille.com et même sur DAB+, Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Donc, cette émission a été enregistrée le 16 avril dans les conditions du direct. Au micro aujourd'hui, Quentin et moi-même à la réalisation. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Et donc, on va parler d'intelligence artificielle et plus précisément, les médias sont-ils menacés par les IA? Et pour cela, on a comme invité Camille. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Camille. Je travaille dans une entreprise française sur le domaine de l'intelligence artificielle. Et je suis membre de la commission Intelligence Artificielle du syndicat Solidaire Informatique. Donc un des objectifs de cette commission, c'est de travailler sur les sujets d'IA pour susciter du débat et avoir une vision un petit peu différente de ce qu'on peut entendre comme discours techno-optimiste un petit peu dans les médias. Très bien, bah on va attaquer tout de suite. Aujourd'hui, on va parler d'IA et avant, on parlait d'algorithme. C'est quoi la différence entre les deux et est-ce que, avant, on avait tendance à dire qu'on était menacé par des algorithmes, aujourd'hui, on est menacé par d'IA. Est-ce qu'on a gagné au change? Alors, les deux termes sont très proches sur certains aspects, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On va recommencer par expliquer en fait ce qu'est un algorithme. C'est très simple. Un algorithme, c'est juste une suite d'étapes. Par exemple, là, tout à l'heure, dehors, en venant, j'ai vu des lampadaires qui se sont allumés tout seuls parce que c'était 19h. Donc, l'algorithme de ce lampadaire, c'est vérifier l'heure. Si c'est 19h, je m'allume, étape 1. Et étape 2, effectivement, je prends la décision de m'allumer. Si tu prends un algorithme qui veut faire un gâteau, première étape, je mets la farine. Deuxième étape, je mets les œufs. Troisième étape, je mets au four, etc., etc. Jusqu'à la 15e étape où tu sors le gâteau du four et tu le manges. Donc ça, c'est simplement ça, un algorithme. C'est une suite d'étapes pour aller d'un point A à un point B. On a plein d'algorithmes différents, on a des algorithmes de traitement du texte, on a des algorithmes de traitement de l'image, du son, du signal, etc. C'est quelque chose qui est très très large. Et spécifiquement, l'intelligence artificielle, donc c'est un domaine en fait, c'est un domaine d'étude dans lequel en fait on produit et on maintient des algorithmes qui visent en fait à reproduire du comportement humain comme le raisonnement, la planification, la prise de décision, la créativité. Alors cette définition, je l'ai empruntée à la CNIL. C'est une définition qui est très large et c'est exactement ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est très large aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette définition. On a de l'IA aujourd'hui dans tous les domaines. On a de l'IA qui font plein de choses différentes. C'est pour ça que c'est intéressant de garder une définition qui ne soit pas spécifique à une technologie, à un domaine d'application ou vraiment à une utilisation. C'est quelque chose qui est large. C'est un domaine à part. Et du coup, ce qui est plus accessible, plus présent aujourd'hui, c'est les IA génératives. Donc, ça a une caractéristique particulière. C'est ça. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui existe depuis les années, on va dire, 50-60, vraiment, quand l'informatique est devenue un domaine d'études à part. Donc, on a dit, les IA, c'est imiter du raisonnement, de la planification ou de la créativité. Donc, à la base, c'était principalement pour de la prise de décision, c'est-à-dire, est-ce qu'on va faire... un mouvement aux échecs, est-ce qu'on va analyser quelque chose sur une image? Et puis dans les années 2015-2017, sont apparus des nouveaux types d'IA qui essayent d'imiter la créativité. Elles vont générer du contenu, donc ça peut être une image, un dessin, comme avec Midjourney ou DALL-E, ou ça peut être du texte, comme avec ChatGPT. C'est ça qu'on appelle une IA générative, c'est une IA qui va générer du contenu au lieu de simplement prendre une décision, au lieu de simplement faire de la planification pour la personne. Donc du coup, on a des termes qui se superposent. On a le terme d'IA qui est très généraliste, on a le terme d'IA générative qui est plus spécialisé. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu un effet de com, de publicité, parce qu'on le voit partout maintenant, n'importe quel service veut s'améliorer avec l'IA, quel sens ça a derrière et comment on différencie un peu la com de l'usage, de la réalité, de l'outil, je sais pas. C'est très difficile de différencier ce qui est de la com de ce qui est réellement intéressant en termes techniques. Aujourd'hui, il y a vraiment une poussée de la part du domaine en fait économique capitaliste de l'informatique pour faire de l'intelligence artificielle partout. Donc, toutes les entreprises veulent s'y mettre, tous les patrons veulent s'y mettre, toutes les institutions publiques veulent s'y mettre, tous les médias, etc. Donc, c'est très difficile de voir ce qui est plus que de la spéculation. On a aujourd'hui une bulle financière qui commence à exister par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, on a JP Morgan qui a commencé à tirer l'alarme à ce niveau-là, comme quoi il y a trop d'investissements dans ce domaine par rapport à ce à quoi ça sert. Donc, c'est un vrai problème qu'il y a. Et puis, il y a aussi un effet de mode sur la peur de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a des patrons, notamment Sam Altman, qui est donc le patron d'OpenAI, l'entreprise qui fait ChatGPT, qui essaye de susciter une peur forte autour de ses produits pour expliquer que, regardez, mes produits fonctionnent tellement bien qu'il faut en avoir vraiment peur parce qu'ils vont pouvoir remplacer tout le monde sur Terre. Donc c'est sain d'avoir une peur de l'intelligence artificielle, c'est normal d'en débattre, mais attention, il y a un effet d'engouement et sur leur utilisation et sur la peur qui va avec l'outil. Donc, en fait, une question qui peut se poser, donc c'est typiquement des choses qu'on a déjà étudiées à Attac avec l'automatisation, par exemple, de dire, en fait, les gens qui vendent ces outils, ces produits, le mettent à disposition gratuitement aujourd'hui, en imaginant dans le futur le vendre très très cher. Et le côté bulle spéculative, c'est cette espèce de revirement où les personnes qui développent des outils voudront le monétiser. Et on se demande combien d'argent réellement ils vont réussir à gagner lors de ce revirement. Et donc, a priori, il y a des hésitations de dire peut-être qu'on a vu trop grand et que ça ne pourrait pas rapporter autant d'argent que ce qu'on pense. Alors, jusque-là, c'est un fonctionnement, on va dire tristement classique, en fait, du domaine de l'informatique. C'est quelque chose qu'on appelle l'effet de plateforme. C'est ce qu'on a eu avec Airbnb, c'est ce qu'on a eu avec Uber. Où en fait, l'objectif, c'est que chaque entreprise va miser le plus d'argent possible pour essayer d'être la seule plateforme restante en évinçant ses concurrents. Et donc, le gagnant est celui qui a réussi à garder le plus de capital en jeu et de tenir le plus longtemps. Là, aujourd'hui, on a la même chose qui se passe sur l'intelligence artificielle. La différence avec Uber ou avec Airbnb ou avec les autres effets de plateforme qu'on a pu voir au préalable, c'est la quantité de capital qui est en jeu. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. OpenAI a levé des centaines de milliards. Ça ne s'est jamais vu d'avoir une entreprise qui lève autant d'argent en très peu de temps. Et puis, on a en fait des coûts d'infrastructure qui sont énormes par rapport à ce que rapporte l'intelligence artificielle. Donc forcément, il va y avoir un jour où ils vont être rattrapés par les comptables, hein, tout simplement. À un moment, il faut payer les salaires et ça ne va pas être possible. Et ce jour-là, effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va être très compliqué pour les entreprises qui ont beaucoup misé là-dessus. On garde ce sujet sous la main, mais on va revenir au fonctionnement de ce qu'on appelle du coup IA générative ou modèle de langage. Les deux termes sont proches, même si modèle de langage, a priori, c'est plutôt sur du texte. Et du coup, oui, une des questions qu'on avait par rapport aux médias, c'est est-ce qu'un modèle de langage, ça comprend ce que ça raconte ? Alors, un modèle de langage, ça ne comprend pas du tout ce que ça raconte et c'est pas du tout fait pour. Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'il y a deux grands types d'intelligence artificielle. Les intelligences artificielles faibles et les intelligences artificielles fortes. Donc, une intelligence artificielle faible, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est une intelligence artificielle qui est capable de faire une seule chose bien précise et qui ne comprend pas en fait qu'elle est consciente. Donc, par exemple, quand vous jouez aux échecs sur votre ordinateur contre l'intelligence artificielle de votre ordinateur, votre IA ne sait que jouer aux échecs et elle n'est pas consciente de son existence. Au final, tout ce qu'elle fait, c'est déplacer un pion, elle ne connaît que ça, elle ne sait pas faire autre chose. En revanche, les intelligences artificielles fortes, qui savent tout faire un petit peu comme un humain, ça c'est un domaine qui n'appartient pour l'instant en tout cas qu'à la science-fiction. Donc si vous voulez avoir des exemples d'intelligence artificielle forte, il faut vous tourner vers Star Wars avec C-3PO ou R2-D2 ou éventuellement Wall-E ou Terminator, mais c'est le seul domaine où on a des intelligences artificielles fortes. Aujourd'hui, on n'a que des IA faibles, même pour les IA les plus avancées comme ChatGPT. Le problème, en fait, c'est qu'elles commencent à avoir tellement de capacités que même si elles ne sont pas conscientes, même si elles ne comprennent pas ce qu'elles font, elles commencent à très bien faire semblant. Et au final, on a de plus en plus de mal à faire la différence entre une IA forte et une IA pseudo-forte comme on a aujourd'hui. Donc même si l'IA ne comprend pas ce qu'elles font, ne comprend pas ce qu'elle fait, elle est capable de faire de plus en plus de choses et on commence à avoir à assumer des conséquences en fait, de ces IA qu'on ne s'attendait pas à rencontrer avant les IA fortes. Par exemple, aujourd'hui, on a le problème des métiers qui vont être remplacés par les intelligences artificielles, même des IA faibles. On commence à avoir le problème des droits d'auteur qui est abordé, on commence à avoir le problème de qui assume une décision prise par une IA, alors qu'on est encore sur des IA faibles. Donc il faut retenir ça, c'est que même si la question en fait de est-ce qu'une IA comprend ce qu'elle fait ou non est importante, aujourd'hui on a de plus en plus de conséquences à assumer, peu importe en fait la réponse à cette question. Certaines questions qui se posaient déjà pour les algorithmes, par exemple, on avait les algorithmes de recommandation qui sont questionnés sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, par exemple autour d'élections, pourquoi le réseau social a mis en avant plutôt telle chose ou plutôt telle chose, et du coup on peut imaginer demain pourquoi une IA a poussé cette décision, poussé cette action, parce que du coup on les rend capables d'agir dans l'environnement, mais là c'est très rapidement, tout de suite, qu'il va falloir être capable de répondre à ces questions-là. C'est ça. C'est le deuxième problème des intelligences artificielles aujourd'hui, c'est qu'effectivement, elles ne comprennent pas ce qu'elles font, mais nous, on ne comprend pas non plus ce qu'elles font. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est une boîte noire énorme, et même les créateurs de ChatGPT ne comprennent pas réellement le fonctionnement interne du modèle. Donc, si vous demandez à l'entreprise qui l'a fait, OpenAI, pourquoi est-ce que le modèle vous a donné cette réponse-là à votre question, ils seront incapables pour répondre, tout simplement parce que le modèle a atteint une complexité et une masse de données et de neurones à faire fonctionner ensemble, qu'on n'est pas capable vraiment de comprendre ce qui se passe quand le modèle répond. Donc, non seulement le modèle ne comprend pas, mais nous non plus. Et ça, c'est un problème quand on veut pouvoir assumer derrière les conséquences, quand on veut pouvoir derrière avoir de l'interprétabilité, et surtout, quand on a des décisions qui sont prises sur des domaines sensibles, comme tout ce qui est, par exemple, média, comme tout ce qui est politique, comme tout ce qui est santé, comme tout ce qui est fiscal, etc. Donc, du coup, c'est potentiellement peu prévisible et peu répétable, au contraire des algorithmes, ou pas complètement ? Alors, on a de tout dans les algorithmes. On a des algorithmes qui sont déterministes et on a des algorithmes qui ne le sont pas. On a des algorithmes qui ne font pas toujours la même chose. Par exemple, un algorithme pour jeter un dé, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va avoir. Mais c'est effectivement une spécificité des grosses IA qu'on a actuellement, donc les IA de type ChatGPT, c'est que leurs résultats ne sont pas reproductibles ou très mal, ce n'est pas explicable ou en tout cas très mal. Donc effectivement, c'est compliqué de les avoir sur des postes complexes de type rédaction d'articles, rédaction de décisions. Cependant, encore une fois, OpenAI ou les autres entreprises qui font des IA de ce type ne les ont pas fait pour qu'elles soient compréhensibles, ne les ont pas fait pour qu'elles soient explicables ou pour qu'elles comprennent ce qu'elles font. Elles les ont fait pour qu'elles rapportent de l'argent et pour qu'elles soient capables de générer du texte. Et c'est en ça, et uniquement en ça, qu'elles sont très bonnes. Donc il faut s'en rappeler quand on les utilise ou quand on veut les implémenter dans des sujets un petit peu complexes. Et attention, il y a des conséquences à l'utilisation d'une IA, il y a des risques, et ça fait partie de ce en quoi elles ont été construites. Dernière question pour notre petite introduction sur les IA. Est-ce qu'on a une idée de l'impact environnemental d'une IA ? On entend parler de factures d'électricité en millions de dollars. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, ça encore, on n'a pas de chiffres précis, puisque en fait, il n'y a pas de régulation aujourd'hui sur la publication et la transparence de ces chiffres par les entreprises qui les font. Donc tout ce qu'on a, c'est certains chiffres sur certaines parties du fonctionnement des intelligences artificielles. Encore une fois, c'est que sur certaines parties, donc on ne sait pas ce qu'il se passe en amont de la préparation de l'intelligence artificielle, on ne sait pas exactement ce qu'il se passe sur la construction du centre d'intelligence artificielle. Tout ce qu'on sait, par exemple, c'est que Meta a communiqué sur les émissions de CO2 liées à l'entraînement d'un modèle qui fait à peu près la moitié de GPT-3, donc une ancienne version de ChatGPT. Les émissions de CO2 liées à l'entraînement, c'est 2000 tonnes de CO2, donc soit l'équivalent de la production de 170 Français à peu près en un an. Donc ça, c'est ce qu'on estime pour un modèle qui fait la moitié de ChatGPT. Donc je vous laisse imaginer, maintenant qu'on est à une version beaucoup plus grosse de GPT, mais il me semble qu'on est sur à peu près 1x4 de ça aujourd'hui, sur GPT 4 ou 5, donc sur GPT 4 ou au point 1, donc c'est vraiment plus gros. Et ça, c'est uniquement le coût énergétique à l'entraînement. Si on mesure le coût énergétique donc à l'utilisation, donc l'entraînement c'est quand on va produire l'intelligence artificielle et l'utilisation c'est vraiment quand vous et moi on va aller poser une question, on va aller générer une image, quoi que ce soit. En général, le coût pour répondre à une question d'un utilisateur dans ce qu'on appelle un prompt, c'est entre 3 et 10 watts. Donc 3 et 10 watts, ça paraît pas énorme dit comme ça. Le problème, c'est qu'il y a des millions d'utilisateurs de ChatGPT. Donc quand vous multipliez 3 ou 10 watts par quelques millions, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de water. Et j'avais entendu aussi que c'est beaucoup plus qu'une requête Google, par exemple. J'avais entendu 10 fois plus. Ouais, c'est ça, 10 fois plus. Pour ça, il faut y penser avant de pouvoir... si on peut avoir la réponse sur Google, autant utiliser Google ou un autre moteur de recherche que d'utiliser ChatGPT directement pour les raisons environnementales. Je conseillerais même aux auditeurs, si vous pouvez avoir la réponse sur Wikipédia, sachez que Wikipédia ne cherche pas à exploiter vos données et que vous avez beaucoup de réponses déjà disponibles par là-bas. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est parce que là, on a parlé d'un modèle, mais du coup, le contexte, c'est qu'on a beaucoup de sociétés en concurrence pour présenter des modèles les plus efficaces possibles. Donc, si on dit qu'un demi-modèle de demi-bout de GPT, c'est l'équivalent de je ne sais plus combien de français, du coup 170 français, bah, il faut s'imaginer que des modèles qui sortent chaque mois, chaque semaine, c'est énorme en ce moment. On parle d'un modèle nouveau tous les mois pour chacune des grandes entreprises. C'est à peu près ce rythme-là. Alors, ça dépend des entreprises. Et puis en ce moment, ça va très vite. Donc effectivement, l'impact écologique lié à ça est énorme. Pour avoir un petit peu une vision de ce qui se passe à l'échelle du marché, en fait, toutes les entreprises américaines avaient pris des engagements pour réduire leurs émissions de CO2 jusqu'en 2018-19, et en fait, maintenant, elles assument très clairement qu'elles ne tiendront pas ces objectifs, qui étaient déjà très peu ambitieux, mais elles ne les tiendront pas pour justement pouvoir assumer la charge supplémentaire qu'il y a due à l'intelligence artificielle. Et là, encore une fois, on parle uniquement de la consommation énergétique à la fabrication ou à l'utilisation. Il y a encore un débat qui a à voir sur la production des machines nécessaires à l'intelligence artificielle, donc avec une industrie minière qui a un impact écologique catastrophique, notamment dans des pays comme la République du Congo, comme le Bénin, ou alors un impact écologique plutôt lié sur l'utilisation de l'eau, notamment à Taïwan, donc là où on produit les GPU, des composants qui sont spécifiques à l'intelligence artificielle. Pour la petite anecdote, le gouvernement de Taïwan a demandé aux paysans qui font du riz d'arrêter de faire du riz en les payant pour que l'eau puisse être gardée pour les usines d'intelligence artificielle. Ces usines, c'est les data centers qui se multiplient un peu partout dans le monde, quoi, on va dire. Alors, à Taïwan ou dans ce genre de configuration, c'est plutôt la fabrication des serveurs qui, sont envoyés partout dans le monde. Et là, effectivement, c'est la consommation qui est aussi très forte. Oui, d'accord. On va revenir sur le sujet des médias. Je vais faire une petite introduction pour faire une transition douce. J'ai mis la main sur l'étude de l'ARCOM intitulée « Les Français et l'information », donc la dernière en date qui date de mars 2024. Peut-être que la prochaine devrait sortir pour 2025 prochainement, mais on peut supposer que c'est toujours d'actualité. On y apprend que le top 3 des modes d'accès à l'information pour les Français, ce sont la télévision, la radio, les moteurs de recherche. Bah, c'est déjà pas mal, moi j'attendais les réseaux sociaux quelque part, mais non, ils sont quatrièmes les réseaux sociaux, au pied du podium, et donc du coup, on a toujours le classique télévision, radio, qui sont préférés par les Français. Dans cette étude, on a aussi la question, est-ce que les Français préfèrent les journalistes aux algorithmes ? Aux algorithmes, entre parenthèses, IA. La réponse, c'est que 53% des Français préfèrent les journalistes. Ce qui fait un peu froid dans le dos, c'est que les 47 autres pourcents ont l'air de ne pas y consacrer autant d'attention. On a aussi une autre question qui est assez intéressante, c'est dans le sondage, on a deux questions bien séparées. Qu'est-ce qui influence le plus l'opinion des Français ? Et souvent, ils citent les grands médias avant de citer leurs proches. Donc ça, c'est assez marquant. Donc c'est environ 50% qui citent que les grands médias les influencent plus que leurs proches. Par contre, quand on pose la question de « en quoi avez-vous le plus confiance en termes de sources d'information ?», les gens citent plus systématiquement à 60% leurs proches que les grands médias. Mais déjà, ça peut poser la question que si on veut influencer l'opinion, passer par les grands médias, a priori, c'est une bonne solution. Et quand on a ce tableau-là, ben on se rappelle aussi que 80 à 90% des grands médias qui font a priori l'opinion, parce que là on a cette trace-là dans l'étude de l'ARCOM, appartiennent à des milliardaires. C'est une situation économique qui a été impactée historiquement aussi par l'arrivée des GAFAM. On sait que la plupart des grands médias français marchaient par un modèle d'abonnement et que la diffusion à grand volume d'informations gratuites, alors je mets des guillemets sur le gratuite, a été portée par les portails des grands médias, des grands réseaux sociaux. On pense à Google Actualité par exemple, mais aussi sur certains systèmes par Facebook, par les portails MSN, qui mettaient à dispo de l'information gratuitement. Ça a détruit le financement des médias et on retrouve cette incidence par exemple sur le nombre de cartes de presse. Donc le dernier Dernier rapport par l'organisme chargé de gérer les cartes de presse pointe une baisse du nombre de cartes de presse de 10% et le pic historique était en 2009, juste avant la crise économique. Et ce rapport cite explicitement deux sources sur la baisse continue et inquiétante du nombre de journalistes, les deux pistes étant le manque de financement des médias qui renoncent à avoir de nombreux journalistes et aussi la précarité du métier qui fait que de nombreux journalistes finalement se retournent du métier, quittent le métier à cause de sa précarité. En sachant qu'il est bon de rappeler que là on parle du coup pour ce rapport en 2023 de 34 000 journalistes qui possèdent une carte de presse, mais qu'il est évalué en France que le nombre de personnes qui travaillent avec un métier de journalisme ou un métier en lien avec le journalisme s'élève plutôt à 130-140 000 personnes. Tout le monde n'a pas de carte de presse. Bref, tout ça pour dire qu'on a des milliardaires qui investissent dans des médias et qui investissent aussi parfois dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on n'a pas déjà à la base un mélange détonnant ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'arrivée des IA génératives pour les médias français ? Alors, vaste question, mais il y a un très bon exemple, c'est Xavier Niel. Donc, Xavier Niel, lui, il a investi et dans les médias, à travers notamment Le Monde, et dans l'intelligence artificielle avec une entreprise qui s'appelle Mistral. Donc il y a sûrement des intérêts en commun qu'il va chercher à exploiter, ça en tout cas pour l'instant c'est que de la spéculation de ma part, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas attendre de choses très orientées, liberté de la presse de la part de Xavier Niel. En tout cas, ça fait longtemps qu'il y a un impact de l'intelligence artificielle sur le monde des médias. On n'a pas attendu les intelligences artificielles génératives, on n'a pas attendu les ChatGPT, on n'a pas attendu les gros systèmes. Donc tout à l'heure on parlait en fait des systèmes pour raconter un match sportif en fait dans un article, c'est un algorithme qui en fait qui va regarder le match et qui va dire bon bah à telle minute il y a eu un but, à ce moment il s'est passé ça, etc. Et ça raconte le match de cette façon. Donc ça c'est des choses qui existent depuis longtemps. On a eu aussi les textes à trous où en fait on va détecter quand il y a un séisme et puis au moment où il y a un séisme on va remplacer dans le texte à trous avec le nom de la ville où il y a eu le séisme, la magnitude, etc. Et puis hop là, ça fait un article. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Maintenant, la différence avec les IA génératives, c'est qu'on va pouvoir produire des articles en fait, à partir de quasiment zéro. Et notamment avec des dépêches de l'AFP, donc c'est ce qu'on appelle du bâtonnage. Donc aujourd'hui, quand vous avez une dépêche de l'AFP qui arrive, vous avez parfois des journalistes qui vont bâtonner autour un article, donc créer un article en fait en créant du contexte. Et ça, c'est vraiment un risque que ces tâches-là soient prises par des IA génératives avec les biais qu'il peut y avoir à ce niveau-là, en termes de qualité de l'information, en termes de biais plutôt orientés racistes, etc., dont on parlera peut-être plus tard, et en termes aussi donc, d'accumulation du pouvoir de l'information en un seul endroit. D'accord, bon, je permets de relever, il y a le Media Next Impact qui avait relevé aussi l'usage des IA génératives dans l'entreprise CMA-CGM de Rodolphe Saadé, et Rodolphe Saadé ayant fait l'acquisition du Parisien et de BFM TV. Et donc on peut supposer aussi une extension de l'utilisation de ces outils dans ces entreprises de presse, donc ce sera un point à surveiller. Et du coup, c'est une question. Du coup, tu nous parles de textes à trous, de choses automatisées parce qu'elles sont assez simples. Est-ce qu'il est vraiment lésé du fait que ce soit une machine qui rédige son information ? Parce que est-ce que lui, tout ce qu'il veut, c'est pas juste une information ? Peut-être. Au final, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on entend par l'actualité. Quand vous prenez l'actualité comme simplement ce que vous regardez, par exemple, en prenant votre café ou entre deux pauses, et bien effectivement, peut-être que ça suffit d'avoir du bâtonnage ou d'avoir des dépêches un petit peu avec un petit peu de contexte, etc. Et on s'arrête là. Mais c'est un peu dommage. Le journalisme, c'est aussi le journalisme d'investigation. Et ça, c'est quelque chose qu'une intelligence artificielle ne sait pas faire. Le journalisme, c'est aussi avoir des articles de qualité Pulitzer de temps en temps. Et ça, c'est quelque chose qu'une intelligence artificielle ne sait pas faire. Donc au final, si on a uniquement de l'information qui est constituée de contexte et puis pas d'investigation, c'est vraiment dommage. On est simplement sur de la publication de contenu, on n'est plus sur du journalisme, et à ce moment-là, on perd quelque chose. Et après, si on n'avait que du contenu sponsorisé dans nos actualités, on ne s'en rendrait pas compte. Au final, du journalisme d'investigation, on ne se rend pas compte qu'il y en a tant qu'il n'y a pas d'affaire qui est publiée. Donc s'il n'y a pas un Fabrice Arfi pour parler de Cahuzac, on ne sait pas qu'il y a une affaire Cahuzac dont il faut parler. Donc effectivement, c'est un problème Et malheureusement, c'est quelque chose qui pourrait disparaître sans qu'on s'en rende compte au jour le jour. D'accord, donc c'est un mécanisme, l'investigation qui coûte cher, on a cette logique de réduction des coûts dans les grands médias, et du coup le paradoxe, ce serait de définancer. Après, ce qu'il y a aussi dans les médias, c'est la contextualisation, et du coup on peut rentrer un peu dans les risques d'une IA qui pourrait contextualiser par exemple systématiquement de la même façon, ou faire des erreurs de contextualisation. Qui pourrait faire des erreurs sans que ce soit remarqué, ou alors plus qu'une erreur, en fait une IA qui va produire des biais pour lesquels elle a été entraînée. Donc vous avez aujourd'hui des IA qui malheureusement ont des biais racistes, ont des biais sexistes, etc. Donc on en parlera plus en détail après, mais vous avez aussi une IA, vous avez des IA qui vont en fait tout simplement parler différemment de certains sujets, qui vont être moins nuancés, par exemple sur le sujet de l'altermondialisme. L'IA faite par Elon Musk, je pense que si on lui parle d'altermondialisme, elle aura une nuance qui est beaucoup moins intéressante qu'un journaliste de l'Humanité ou de Mediapart. Et donc du coup, si on reprend un peu la statistique en baisse de la carte de presse, cette possibilité de l'utilisation des IAG, est-ce que si l'objectif c'est de réduire la part du journaliste, de par exemple juste filmer des événements et en fait laisser les commentaires à une IA par exemple, est-ce qu'on va vraiment vers la fin du journalisme, la fin du pratique du métier ou... C'est une question, mais en tout cas, c'est une question qui est très importante et je pense que l'intelligence artificielle n'est qu'une étape mineure dans cette histoire. Malheureusement, ça fait des années qu'on remplace les journalistes. Tout à l'heure, tu as parlé de 2009, la date où il y avait le plus de cartes de presse. 2009, c'est bien avant les IA génératives. Et on voit qu'il y a effectivement cette tendance à remplacer les journalistes par des éditeurs de contenu, par des commentateurs, etc. Un très bon exemple, c'est Reworld Media. Donc Reworld Media, c'est un espèce de fonds d'investissement qui est coté en bourse à Paris et qui rachète des journaux comme Science et Avenir, comme Marie Claire, et qui licencie ou qui fait partir les journalistes. Donc là, il n'y a pas du tout d'histoire d'intelligence artificielle. Hein. C'est simplement une pression capitaliste sur la rédaction pour avoir quelque chose qui est plus rentable. Donc je pense que même si l'intelligence artificielle pourra avoir dans quelques années un impact sur le remplacement des journalistes, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que les vrais coupables de la disparition ou de la précarisation du métier du journalisme, ce sont pour l'instant les grands patrons qui possèdent les médias en question. Dernière petite question ou petite piste de réflexion, c'est que, alors moi j'ai entendu dire avec l'arrivée des IA, c'est que c'est un formidable outil pour des personnes dans leur métier qui sont qualifiées. Donc imaginons, on est avec une personne qui représente Solidaire, enfin qui parle pour Solidaire Informatique. Imaginons un informaticien qualifié saura accélérer son travail avec une IA. Par contre, un informaticien qui n'est pas qualifié pourrait faire des erreurs et donc ne pas voir les erreurs que fait l'IA. Et du coup, à terme, on peut avoir une expertise ultra efficace qui s'appuie sur une intelligence artificielle générative, mais le jour où cette expertise disparaît, bah, on n'aura pas formé les nouveaux, bah, du coup, les nouveaux quoi, les nouveaux informaticiens, journalistes, tous ces métiers. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est anticipé, vu, ou est-ce que c'est un vrai péril de voir disparaître des compétences? Alors, ce n'est pas quelque chose qui est anticipé, puisque aujourd'hui, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un côté où il y a un gros effet de mode, donc rien n'est anticipé. Aujourd'hui, s'il faut aller dans la direction de l'intelligence artificielle, c'est la consigne qui est donnée dans quasiment toutes les entreprises ou les institutions publiques. Donc, il n'y a jamais de réflexion sur pourquoi, comment, quel va être l'impact, ça n'existe pas. Il y a bel et bien un risque qu'il y ait deux types plus tard, peut-être, de travailleurs, donc c'est-à-dire ceux qui savent utiliser une intelligence artificielle et qui sont très bons avec, qui sont des espèces de travailleurs, super travailleurs augmentés, et ceux laissés sur le côté qui ne savent pas utiliser ou qui utilisent mal ou qui n'utilisent pas suffisamment, peut-être, on ne sait pas, et qui du coup ne seront pas embauchés par les entreprises utilisant des intelligences artificielles. C'est un risque. Encore une fois, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle sort dans un monde très capitaliste. Si on avait un monde peut-être un peu moins capitaliste, le fait d'avoir un poste qui est remplacé, ça ne menacerait pas les revenus de la personne qui est remplacée. Sauf qu'aujourd'hui, être remplacé, ça veut dire perdre son moyen de subsistance, donc c'est très grave. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réflexion qui soit faite sur l'intelligence artificielle et sur l'ensemble des moyens de production, sur comment est-ce qu'on répartit en fait les revenus à travers tous les travailleurs et pas notamment dans le cadre de l'intelligence artificielle. Un bon moyen d'obtenir la semaine de 4 jours. Qui sait. On va garder ça dans l'idée. On va partir sur une troisième partie. Florent, je te laisse la main. Enfin, une question aussi sur Qu'est-ce qu'un média sans journaliste ? Est-ce que ça existe déjà sans l'IA ? C'est un peu le... Ouais. Il y a des très bons exemples, malheureusement, de médias sans journalistes. Il y a une bonne partie de Science et Avenir, dont on parlait tout à l'heure, qui n'a pas de journalistes. C'est simplement des éditeurs de contenu, c'est simplement des personnes qui ont fait des écoles de com, qui n'ont pas d'école de journalistes, par exemple, dont le métier, c'est de faire du contenu, c'est de faire de la rédaction autour de communiqués de presse, c'est de faire de la publication sponsorisée. Et, tu parlais de François, il me semble qu'il y a un espèce de... Peut-être que tu en parleras mieux que moi. C'est un peu difficile à définir, mais c'était un média français qui a été racheté par un ensemble de publications et qui utilisait plutôt l'appellation comme un blog, et c'est devenu, avec la crise Covid, une espèce de média alternatif. Mais du coup, il n'y a aucun journaliste référencé, licencié. Ils sont même un peu fiers de dire qu'ils n'ont pas de journaliste. Mais comme ils ont gardé ce nom qui est un nom de journal historique français, bah, ils continuent de prétendre d'être un média d'information, alors qu'en fait, c'est un relais de théorie complotiste, malheureusement. Pourtant, les deux journaux qu'on a cités, donc Science et Avenir et François, ce sont des journaux qui marchent plutôt pas mal, en tout cas qui arrivent à payer les factures, puisqu'ils sont toujours là, donc malheureusement pour certains d'entre eux. Donc visiblement, il y a un intérêt pour certaines personnes d'avoir des journaux sans journalistes. C'est triste, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit spécifique à l'intelligence artificielle, ou en tout cas, ça date de bien avant l'intelligence artificielle. Oui, donc on va partir sur une troisième partie, plutôt sur l'optique pour les médias à l'ère de l'IA générative. On a un peu abordé l'histoire des biais qu'il pourrait avoir dans les IA. On pourrait approfondir ce point. Alors, une IA aujourd'hui a, dans le sens moderne du terme des IA, donc on va dire dans les équivalents des ChatGPT, une IA a des biais, forcément. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'une IA, en fait, est entraînée sur des données qui sont trouvées sur Internet. Donc les données principales, ça va être ce que vous trouvez sur Reddit, ce que vous trouvez sur Twitter, ce que vous trouvez sur Facebook. Ce sont les principales sources d'information et d'entraînement, en fait, de ces intelligences artificielles. Donc vous le savez aussi bien que moi, hein, si vous allez sur Reddit, si vous allez sur Twitter, le contenu est souvent raciste, sexiste, antisémite, etc. Donc forcément, les intelligences artificielles qui sont entraînées dessus, c'est-à-dire toutes, reproduisent ces biais. Maintenant, aujourd'hui, quand une intelligence artificielle sort de la machine d'intelligence artificielle, elle n'est pas publiée telle qu'elle. Il y a une étape plus ou moins longue, suivant les entreprises, qui s'appelle l'alignement, dans lequel on va faire en sorte que l'intelligence artificielle réponde à des caractéristiques de l'entreprise qui la produit, notamment des caractéristiques de réduction des biais. Donc une intelligence artificielle n'est pas publiée telle qu'elle, justement à cause des biais. Le problème, en fait, c'est que cette étape d'alignement, elle est laissée uniquement à l'appréciation de l'entreprise qui la produit. Donc il y a un problème de conflit d'intérêts. Et on peut voir, notamment avec les IA faites par les entreprises d'Elon Musk, sont très peu débiaisées. Tandis que les IA faites par Meta, qui est plutôt un bon élève sur le sujet, font vraiment un effort pour être moins racistes, moins sexistes, et parfois essayer, en fait, de vraiment perdre ce côté de biais inhérent aux IA. Donc voilà, c'est vraiment laissé à l'appréciation des entreprises qui les font. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une régulation forte sur les intelligences artificielles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, on est plutôt en avance sur le sujet. On a le règlement européen sur l'intelligence artificielle qui est un texte qui est vraiment critiquable et qui n'est pas suffisant à mon goût. Cependant, dans ce règlement, il y a un article, en fait, qui est spécifique aux IA comme ChatGPT, qui leur impose, en fait, de faire attention à ce que leur IA ne puisse pas faire de contenu malveillant, ne puisse pas faire de contenu problématique. Donc même si c'est un texte qui a vraiment été diminué de puissance par le lobbying de certains ministres français, c'est un texte qui a le mérite d'exister, et je pense que dans les prochaines années, on devrait avoir des IA qui, normalement, auront moins de biais que ce qu'on a actuellement, si la régulation fait son travail. C'est important, enfin, que l'Union européenne puisse enfin, s'engager là-dedans, et ça peut après faire des petits dans de par le monde. On l'a vu auparavant sur un peu la régulation des GAFAM, où ils étaient un petit peu à l'initiative aussi de ce point de vue-là. Est-ce que l'arrivée des IA, ça ne serait pas une occasion, justement, pour adopter une posture critique des médias ? Alors, le meilleur moment pour adopter une posture critique des médias, c'était il y a 20 ans. Ouais. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc effectivement, peut-être que l'intelligence artificielle générative va redonner un espèce de coup de pied dans la fourmilière. En revanche, effectivement, ça fait des années que les médias sont accaparés par un certain nombre de personnes, qu'on a une perte d'indépendance, qu'on a une perte du métier de journalisme, comme on en a parlé. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle va créer un espèce d'électrochoc. Je ne suis pas sûr. Peut-être, hein, c'est une espèce de vision apocalyptique, il me semble. Il y a une pensée philosophique comme ça où on dit que si tout s'effondre d'un coup, à ce moment-là, la reconstruction sur les cendres sera forcément meilleure. Bon, peut-être, c'est un risque assez gros. Je ne suis pas sûr que si le monde des médias s'effondre entièrement à cause de l'intelligence artificielle, il sera mieux reconstruit. Donc je ne pense pas qu'il faille attendre de l'intelligence artificielle de créer une posture de critique sur les médias actuels. Ça demande peut-être aussi, je pensais à cette question des biais juste avant, un besoin de transparence des médias, c'est-à-dire il faut bien qu'un média labellise le contenu qui est généré par IA, et il faut aussi que le média dise quel modèle il a utilisé pour s'appuyer, parce qu'en fait, si un média mainstream que je vais consulter utilise une IA, mais qu'il ne dit pas laquelle, je ne sais pas quel biais je dois m'attendre. Si typiquement Grok est utilisé par Libération, bah, je vais peut-être m'attendre à ce qu'il sorte des choses tout à fait aberrantes. Mais si jamais on me dit que c'était généré par IA, bah, cette transparence-là, je ne l'ai pas. Et juste, il y a aussi l'effet un peu, on a souvent la métaphore de la grenouille et de l'eau qui chauffe doucement. Est-ce que là, on n'a pas justement cet effet douche froide ou au contraire, changement de température brusque, où on se dit, oula, d'un coup, là, il faut que je m'inquiète de ce que raconte France Info, tous les médias que je vais lire un peu rapidement, parce qu'en fait, là, peut-être que dedans, il y a des grosses bêtises, comme mettre de la colle sur des pizzas, quoi. Alors, peut-être, j'aimerais bien, mais en tout cas, pour revenir sur le sujet dont tu parlais de la transparence, c'est obligatoire, déjà, de mettre quand un contenu est généré par une intelligence artificielle. Un journal est censé le faire. Le problème, c'est que c'est obligatoire quand l'ensemble de l'article est généré par intelligence artificielle et ça se voit uniquement dans ce cas-là. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est un journaliste qui va rédiger la moitié, par exemple, de l'article, puis passer l'article sur ChatGPT, faire quelques corrections, repasser dessus, et puis après, on repasse sur ChatGPT, etc. Au final, à la fin, on a un gloubi-boulga qui est à la fois généré par le journaliste, à la fois par l'intelligence artificielle. C'est dur de dire qui a fait quoi et qui a biaisé quoi, et donc ça ne sera pas labellisé comme tel. Par le média. Et du coup, je me posais une question aussi. Est-ce qu'avec un chatbot conversationnel comme ChatGPT, ça pourrait pas aider certains lecteurs de médias à avoir une prise de recul de ce qu'on lit, hein? Par exemple, on pourrait lui poser la question, enfin, on lit un article, on a des doutes, on pourrait lui poser la question, qu'est-ce que tu penses de ce sujet, enfin, voilà. Alors, il y a plein de gens qui montent des startups de chatbot en espérant que le chatbot résolve tel problème ou tel risque dans la société. Pour l'instant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les chatbots, c'est une expérience qui n'est pas spécialement intéressante, hein. Vous avez un espèce d'assistant qui marchotte, qui de temps en temps vous donne la bonne réponse, qui de temps en temps vous aide. C'est compliqué de le configurer, c'est compliqué d'interagir avec. Je ne suis pas sûr qu'il faille attendre une solution à ce niveau-là d'un chatbot. En tout cas, si jamais vous y croyez et que vous écoutez cette émission, et ben, il y aura plein de gens qui seront prêts à vous aider à financer votre startup sur le sujet. Encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans ce domaine, malheureusement, et sans forcément qu'on attende de votre part de faire quelque chose qui fonctionne réellement. Ok. Et bon, pour terminer, dans une vision plus négative, est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne plus rien considérer comme vrai ? Oui. Oui, c'est un risque qui, encore une fois, je pense, existe d'avant l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un risque qui a explosé en 2016 lors de l'élection de Donald Trump avec ce qu'on appelle la post-vérité. C'est-à-dire que vous n'avez aucun intérêt, en fait, à dire la vérité, puisque si jamais vous dites n'importe quoi, il suffira de nier la vérité et ça passera. L'intelligence artificielle risque d'accentuer cela, dans le sens où c'est plus facile de générer n'importe quoi, c'est plus facile de faire dire un petit peu ce qu'on veut à grande échelle. Il y a effectivement une vraie réflexion à avoir sur le comportement des intelligences artificielles, mais surtout sur le comportement des médias. Tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'il peut y avoir un effet douche froide ou un effet douche chaude ? Si cet effet n'a pas eu lieu lors du rachat d'ITélé, lors du rachat d'Europe 1, lors du rachat de Paris Match, lors de beaucoup d'événements qu'il y a eu sur l'indépendance des médias, je ne suis pas sûr que cet effet arrivera avec simplement l'intelligence artificielle. J'aimerais bien que ce soit si simple. Malheureusement, je n'y crois pas trop. Bon, on a encore au moins 5 minutes. Je ne sais pas si Quentin, tu avais d'autres sujets à aborder. Bah, on peut parler du coup de l'opposition de l'opinion et des régimes de vérité. Alors là, je lance ça de façon un peu ouverte, mais en fait, si on reprend ce qu'on disait en début d'émission, l'IA n'a pas de connaissance de ce qui est factuellement vrai. En fait, elle génère une réponse, mais elle ne réfléchit pas une réponse. Est-ce que du coup, sur ce côté imprévisible, sur ce côté rapport à la réalité, ça peut complètement mettre des gens dans des nuages de bulles de filtres, d'informations qui peuvent s'auto-entretenir. Je sais qu'il y avait Apple qui a été sous le feu des critiques très rapidement parce que leur IA qui résumait les médias a imaginé que quelqu'un était mort. Est-ce que c'est quelque chose que les entreprises peuvent résoudre très rapidement ou est-ce qu'on va devoir vivre avec? Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit facile à résoudre en termes techniques et je ne suis pas sûr que les entreprises aient un intérêt financier à le faire. Je pense que le but d'une intelligence artificielle telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est de générer du texte qui plaise à l'utilisateur, qu'il soit vrai ou non, tant que ça plaît et que c'est pas trop faux et que c'est utilisé, je pense que c'est malheureusement suffisant. Un très bon exemple, c'est les intelligences artificielles de recommandation de contenu de Facebook et de YouTube. Même si les dernières évolutions sur les 5 dernières années ont tendance à favoriser du contenu un petit peu complotiste, le fait que ces algorithmes permettent d'avoir plus ce qu'on appelle d'engagement de l'utilisateur et avoir plus de clics sur les publicités, rapporter in fine plus d'argent, c'est un choix qui a été fait par les entreprises derrière de garder ces algorithmes malgré leurs biais. Donc je ne pense pas que, même si une solution technique est trouvée, je ne suis pas sûr que cette solution soit adoptée, malheureusement, vu les personnes qui possèdent aujourd'hui les intelligences artificielles. Une expérience, alors je ne sais pas si elle est toujours vraie, mais elle était très vraie en 2023, c'était de poser une question orientée politiquement à un chatbot conversationnel et en introduction de dire « je suis chasseur, est-ce que la chasse est mauvaise pour l'environnement ? Je suis écologiste, est-ce que la chasse est mauvaise pour l'environnement ?» Et vous allez avoir une réponse complètement opposée parce qu'on voit bien que le chatbot conversationnel, il prend ce contexte-là, il veut vous donner une bonne réponse, mais une bonne réponse, c'est peut-être plus une réponse qui vous plaît qu'une réponse qui est factuellement vraie. C'est ça. Une IA, elle veut parler avec vous, elle veut que vous interagissez avec elle. Elle n'est pas faite pour vous dire la vérité. Le problème, c'est que la réalité, la vérité, des fois, on ne veut pas l'entendre. La vérité, des fois, elle ne fait pas plaisir. Mais c'est aussi ça, la vérité. Effectivement, on ne choisit pas le contenu des prochains articles dans Mediapart. On ne choisit pas quand son député préféré va être épinglé pour un gros dossier. Mais c'est la vie. Et effectivement, il y a un risque que les intelligences artificielles nous enferme en fait dans des espèces de bulles d'information, c'est-à-dire qu'elle va nous dire simplement ce qu'on veut sur les sujets qu'on veut, et c'est un risque qui est lié là effectivement spécifiquement au déploiement des algorithmes dans le monde des médias. Donc le factuel s'opposait déjà à l'opinion avec les médias en continu, les plateaux qui ne font que donner des opinions, et maintenant le factuel va devoir s'opposer aussi au désirable, à interpréter. Bon, on n'est pas sorti des ronces. Ce que je voulais, comme petite réflexion rapide, un peu dans l'air du temps, on a eu toute une envolée de génération d'images du studio Ghibli, avec l'outil d'OpenAI de Sam Altman. On peut remarquer que c'était interdit de générer des images dans le style de Disney, interdit de générer des images dans le style de Pixar, mais Ghibli, en tout cas, c'était pas le problème de cette entreprise. Moi, je souhaite rappeler que les studios Ghibli et le fondateur des studios Hayao Miyazaki vomissaient les IA génération et que je pense que c'est un profond affront d'exploiter cette petite fonction sympa. Et j'aimerais rappeler en conclusion peut-être la réplique de Porco Rosso dans le film du même nom: mieux vaut être un cochon qu'un fasciste. Bon, on va s'arrêter là pour l'interview. Merci Camille. Et donc, c'est l'heure d'une petite pause musicale. Donc, c'était apprenti journaliste de Fab. Et donc, on va passer aux actualités d'Attaque avec Quentin. Au niveau national, on a trois nouvelles ce mois-ci. On a l'action contre les banques toxiques. Donc, Attaque passe à l'action pour en finir avec les banques toxiques. Il y aura des actions sur le mois de mai. L'idée, c'est de dénoncer les investissements des banques dans les énergies fossiles et donc, du coup, cette carbonation de la société qui est un double danger, à la fois le danger évident et qui nous arrive dessus du réchauffement climatique, mais aussi un danger pour les finances du pays et la solvabilité de nos banques. Une autre nouvelle, Attaque répond au Premier ministre qui a fait un grand exercice de gesticulation pour nous expliquer que le pays était ruiné et avait besoin de trouver 40 milliards et pour justifier une nouvelle politique austéritaire. Attaque a répondu point à point que la baisse des recettes a été volontairement engagée par le gouvernement actuel, par la politique macroniste depuis même son poste de ministre de l'économie à l'époque sous François Hollande avec le CICE. Et Attaque présente la facture de 482 milliards d'euros de réduction d'impôts, de remboursement d'impôts, de baisse des taxes qui ont été actées par les différents mouvements, les différents gouvernements d'Emmanuel Macron. Et donc du coup, avant de se demander à quel endroit il faut couper pour trouver ces 40 milliards, et bien, il faut se rappeler qu'en 2017, il y avait plein de moyens de financer l'État français, que ces moyens ont été retirés par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. Troisième nouvelle, l'Observatoire des multinationales va sortir son rapport sur le système Bolloré. Donc du coup, la présentation du rapport aura lieu le 24 avril à 19h à Paris. Et donc ce rapport sera disponible sur le site internet de l'Observatoire des multinationales. Voilà pour les nouvelles d'attaque. On passe à l'agenda militant. Donc le mardi 22 avril à 20h, les Amis du Monde Diplomatique et Environnement et Développement Alternatif, EDA, vous invitent à une projection du film « De la guerre froide à la guerre verte », suivi d'une discussion avec Véronique Hébrard, professeur d'histoire et civilisation de l'Amérique latine contemporaine de l'Université de Lille, et donc s'intéressant à l'assassinat de plus de 2000 écologistes et défenseurs de la Terre depuis 2012 en Amérique latine, de la guerre froide à la guerre verte, cherche les racines de cette violence dans l'opération Condor, cette multinationale de la répression, entre guillemets, qui a procédé à l'élimination physique de dizaines de milliers de subversifs tout au long des années 1970. Ce plan s'est aussi traduit par l'impunité et l'accaparement des terres, jetant les bases de l'actuelle République du soja, comme on peut le nommer, berceau de l'agro-business mondial. Et donc, ça sera au cinéma Le Méliès, rue Traversière à Villeneuve-d'Ascq, le mardi 22 avril à 20h. Donc, l'entrée au tarif habituel du cinéma et le paiement se fait uniquement par carte bancaire. Conférence rencontre les différents visages du sionisme avec Sonia Feynman et Béatrice Aurès de l'Union juive française pour la paix et toutes les deux autrices du livre Anti-sionisme, une histoire juive. Donc ça sera la maison des associations de Tourcoing, 100 rue de Lille, le vendredi 25 avril à 18h30. L'atelier d'histoire critique, l'association Survie Nord et le NPA Lille vous invitent à un meeting en soutien à la lutte d'indépendance du peuple kanak. En présence de militants et militantes du collectif Solidarité Kanaki et du FLNKS, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Ce meeting est l'occasion de revenir sur le soulèvement des indépendantistes Kanaki-Nouvelle-Calédonie et tout particulièrement la jeunesse autochtone, contre le projet de loi constitutionnelle adopté à l'Assemblée nationale pour dégeler, entre guillemets, le corps électoral local. Donc c'est une mesure imposée par l'exécutif macroniste pour faire perdurer encore et toujours la domination française sur cet archipel du sud du Pacifique. Et ce, en noyant plus que jamais dans la masse les Kanaks, peuple premier de l'archipel, déjà mis en minorité par plus de 170 ans de colonisation du peuplement. Donc ça sera à la Bourse du Travail de Lille, 254 boulevard de l'Usine, le 26 avril à 15h. Le collectif antifasciste du bassin minier invite Grégory Chamban et William Blanc pour parler des tentatives de l'extrême droite de réécrire l'histoire et de sa volonté de faire main basse sur l'éducation nationale. Grégory Chamban est enseignant, militant syndical et pédagogique à Mantes-la-Ville, commune des Yvelines dirigée par le FN entre 2014 et 2020. Et il est auteur de « Quand l'extrême droite rêve de faire l'école ». Historien, William Blanc travaille sur les usages contemporains du Moyen-Âge. Il est co-auteur de Charles Martel et la bataille de Poitiers, ainsi que les historiens de garde. Ça sera à l'école Buissonnière, 19 place Gambetta à Montigny-en-Goële, le mercredi 7 mai à 19h, ouverture des portes à partir de 18h. Pour la deuxième édition du festival de conférences gesticulées, La Voyette s'installe à la Bourse du Travail de Lille pour traiter des violences sexistes et sexuelles pendant un week-end. La première conférence est intitulée « La culture de la minceur. Nous ne sommes pas ce que nous mangeons » par Léa Sansoniti. Et donc, ça sera le vendredi 16 mai à 19h30 à la Bourse du Travail. Donc, vous pourrez retrouver d'autres conférences gesticulées pendant ce week-end-là. Le programme complet et détaillé du festival est sur le site la-voyette.net. Et voilà, c'est fini pour cet agenda militant. Vous pouvez retrouver d'autres rendez-vous sur le site lille.demosphère.net. Et c'est la fin de cette émission. On remercie notre invité Camille de Solidaire Informatique. Bonne journée, bon week-end et à la prochaine fois. Au revoir. Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre. Abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leur toison lisse glissent les six superpositions de suppositions. Ils vont me mettre ma télé en bouteille. Donnez-moi de l'information. Ouais, c'est ça, les... Donnez-moi de l'information. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter. Sauf publicité. On se retrouve après ça, mélangeons tout, tirons la chasse. Papier water, l'auditeur. Coup de Trafalgar, des voitures de luxe, des hommes en déroute, des slogans qui frappent. Chirurgical, opération boursière, bancaire, comptage de morts qui monte et sort de l'audimat. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Des révélations impromptues pour mon prompteur abattu. Des débats animés, plein de manies et de tics journalistiques, manichéens. Et deux, et trois. Tassant à l'heure, on se contente actif d'un flot de superlatifs. À chaque instant son plus ceci, et chacun veut son plus cela. Et tous pour un et tous pourri, on simplifie, ça amplifie. Édition spéciale, édition spéciale. Une interview de l'homme qu'aurait vu l'homme qui n'a rien vu. Mais moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu. Oui, moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu. Oui, moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu. Oui, moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu. Oui, moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu. Oui, moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. Donnez-moi de l'information. De Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée côté météo en tout cas. J'aime ton côté ville morte. Un rat cloué sur la porte, les plaques qui dégringolent. ça fait splash sur mes grolles. Nos slogans traumatisés, les posters déchirés. Tu te rappelles de celui de Blondie, je lui avais rajouté un zizi. Dans un coin, un cali, avec un pack même pas fini. Un matelas défoncé, une lettre du sang, du verre cassé. Mais y'a plus personne que ta solitude qui résonne. Maintenant tu pèses une tonne et tu suines comme un métronome. J'en ai rien à foutre de ton chat, il peut crever en bas de chez moi, ça m'empêchera pas de dormir.